comme un oiseau blessé. Tu vivotes et tu gémis comme une fleur piétinée, de fanitude flétrie, comme un bateau dématé au loin. Comme un enfant abandonné, tu te résignes, il suffirait pourtant de respirer pour trouver la détente et la paix. Il suffirait tant de respirer pour devenir vraiment ce que tu es, comme un amant délaissé. Tu désespères comme un peuple affamé. De pain, tu espères, comme une plante assoiffée, tu attends la rosée, comme un homme enchaîné, tu rêves de liberté. Tes reproches, tes rancunes et tes colères, il suffirait pourtant de choisir le bonheur pour enfin rencontrer la lumière. Comme un soldat blessé, tu souffres et tu te plains comme un feu à la tombée du jour. Tu t'éteins comme un arbre arraché par le vent. Tu te sommeilles comme un enfant battu.